Bonsoir la société petite à moi. Bonsoir messieurs. Oui, messieurs, madame Grondouvan, c'est pas comme ça, oui, pas les Français. Oui, messieurs, madame Grondouvan, oui, messieurs, madame Grondouvan, c'est pas comme ça. Dis-moi là. Oui, monsieur.